Et gars, fais tourner ce cigare. Guerre, puis fume ici, bas, il suffirait pour 6 gars. Foncez sur du noble si tard, c'est bon ça. Bien-être est si rare et si bas. La vie est si bad, elle fait si mal. Filer les comptes, faire la compte, si bad. Maintenant, t'es pas à l'abri d'être criblé par 6 balles au minimum. Bordel, la merde, on l'a en forfait minimum. Beaucoup tombent dans des crises noires, une prise voire. Une dépendance grave d'une douce musique, d'une lame de rasoir, n'est-ce pas? Au guide de son side, car 6 grammes d'alcool dans le sang, dira c'est pas si grave, c'est rien qui la rassure. Si trave.